inécoutable, je dirais. J'y vais faire un petit tour. Si, ça y est, du monde sera pas. Quand je parle, attention. De toute façon, je m'en fous. D'accord, t'as intérêt, hein.